Merci de choisir la radio Isanganiro pour vous informer. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici d'abord les principaux titres. L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité ce mardi le projet de loi régissant la presse au Burundi. Parmi les points retenus, un journaliste qui a commis des délits de presse ne sera pas emprisonné mais paiera une amende allant de 500 000 à 1 million de francs, à 1 500 000 de francs burundais. Dans ce journal, on reviendra sur les problèmes de déplacement en transport en commun dus à la pénurie du carburant. Au nord, en mairie de Bujumbura, les habitants indiquent que cette situation perturbe différentes activités. À titre d'illustration, certains élèves disent rater les cours le matin suite à ce problème. On évoquera aussi ce problème dans les heures de la soirée où les habitants disent être dépassés de la situation. Et dans les nouvelles de province, à Karusi, certains agriculteurs se lamentent qu'ils n'ont pas encore eu à vendre leur récolte de graines de maïs. Les responsables de la direction provinciale de l'agriculture expliquent que les stocks se sont remplis rapidement. À la présentation, vous êtes avec Doré Bingabilé. Eric Ouimana assure la mise en onde. Bienvenue encore. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Des citadins qui prennent le transport en commun sur la route communément appelée Kudia Kanyoni depuis la zone Ngagala jusqu'à Chibitoke en mairie de Bujumbura se disent dépassés de la situation de manque de moyens de transport, conséquence du manque du carburant. Ils regrettent que cette situation perturbe différentes activités quotidiennes. À titre d'exemple, des élèves disent que des fois ils s'absentent au cours suite aux spéculations des prix de transport par les chauffeurs. Ces habitants demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème de manque de carburant. Reportage d'Ornella Mucho. Ça arrive de m'absenter de suite au manque de moyens de transport en fait. Parce que tu te dis, je me présente à 9h, à 10h, comment je vais expliquer? De longues files d'attente s'observent à nouveau sur les différents parkings de bus en mairie de Bujumbura et des citadins rencontrés sur la route Ngagala Chibitoke semblent fatigués et désespérés. Ils y passent une heure et plus ou d'autres arrivent à une heure d'avance mais finissent toujours par arriver en retard, déplorent-ils. Sur cette route communément appelée Kudia Kanyoni, les bus de transport en commun arrive en Ngagala, déjà plein. Certains préfèrent se déplacer en taxi, étant de 5 à plus. Et ces derniers jours, ils payent 4 000 et plus. D'autres alors, faute de moyens, attendent toujours le transport le moins cher ou marchent à pied. Et d'autres encore préfèrent abandonner et retourner à la maison. Maintenant, on est en un cas où on ne se bat pas pour des bus, mais pour des taxis en fait. Parce que les bus, on a déjà abandonné. On a laissé. Maintenant, si tu as un taxi de 2 000, tu cours. Parce que maintenant, au moment où je vous parle, le tarif du taxi, c'est à 4000 francs. Vraiment, nous arrivons tard à nos occupations. Par exemple, il y a un jour, j'avais un TP et c'était à 8 heures. Donc, je suis arrivée, on avait déjà terminé. Parce que j'avais pas eu à temps le moyen de transport. Et expliquer ça au prof, c'est difficile. En fait. Combien de temps passes-tu ici pour avoir le moyen de transport? Minimum 2 heures. Tu te dis, je vais attendre le bus, après le temps passe, après tu te dis, non, je vais prendre un taxi. Je devrais être au travail à 8 heures. Par conséquent, je n'ai pas pu arriver à temps tel que je le souhaitais. Cette situation est la même à l'endroit communément appelé Gare du Nord. C'est toujours en commune Nahangwa. Ceux qui se sont exprimés au micro de la radio-télévision Isanganiro disent ne pas comprendre pourquoi ce problème reste irrésolu et demandent au gouvernement de trouver une solution dans l'immédiat. Je demanderai au gouvernement de trouver une solution rapidement. C'est grave en fait. Donc comme le gouvernement connaît le problème, je demanderai de continuer à chercher des solutions favorables à la population. Aussi, j'aimerais demander aux chauffeurs de taxi qu'il ne faut pas profiter de cette situation chaotique parce que nous sommes tous Burundais. Il faut songer à s'entraider. Cela est ainsi au moment où de longues files d'attente de véhicules, notamment les bus de transport en commun, s'observent devant différentes stations-service à mairie de Bujumbura. Signalons que ce problème de manque de carburant s'observe depuis l'an 2020. Ornella Mucho, en parlant des problèmes de déplacement, avoir un bus dans les parkings qui sont autour de l'ancien marché central de Bujumbura est un casse-tête dans les heures de la soirée. Différents passagers voulant rentrer rapportent qu'ils doivent faire de longues files d'attente et pour remonter les bus, qui viennent au compte-gouttes suite à la pénurie du carburant, ils doivent se bousculer. Ceux qui se sont confiés à nos micros ce mardi demandent que le problème de manque de carburant soit résolu. Evariste Ntikobanyanga. Les files d'attente des bus de transport, devenues rares suite au manque criant du carburant, commencent ces derniers jours dans l'avant-midi dans les parkings du centre-ville de Bujumbura. Vers la soirée, c'est la raison du plus fort qui prime pour monter les bus qui viennent au compte-gouttes. Les moins forts doivent attendre et passent des heures et des heures. Parmi eux figurent les élèves qui décrivent une telle situation. Quand nous rentrons de l'école, nous ne trouvons pas le bus facilement. Ce sont les plus forts qui montent les premiers dans le bus. Ils montent la montée dans les bus de les prioriser, car ils sont coincés à l'école en cas de retard et arrivent chez elles tardivement, épuisés et sans force pour revoir la matière. Il faut que ceux qui réglementent la montée dans le bus priorisent les élèves. L'on ne revoit pas normalement la matière car nous rentrons fatigués. C'est pourquoi nous demandons à ceux qui réglementent le parking de nous laisser monter les premiers dans le bus en cette période des examens. Que ce soit ceux qui ont requis l'anonymat et ceux qui se sont exprimés sur nos micros, tous demandent que la problématique de manque de carburant qui dure longtemps soit résolue. Vous êtes bien à l'écoute de la radio Isanganiro, l'actualité nationale continue. L'élaboration des listes bloquées lors des élections prochaines devrait se baser sur des critères objectifs qui permettront d'avoir des administrateurs et conseillers communaux compétents. Propos tenus ce mardi par le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions. C'était dans une séance plénière des sénateurs pour analyser l'adoption d'une nouvelle loi communale. Une loi qui ne fixe pas le niveau requis pour occuper le poste d'administrateur communal ou de chef de zone. Gérard Nibigira. Plusieurs sénateurs qui se sont succédés pour prendre la parole ont formulé leur souhait de voir que les administrateurs communaux, les chefs de zone qui seront élus au cours des élections de 2025 aient un niveau de formation supérieur. Les raisons avancées sont que ces administratifs dirigeront des entités si vastes et en plus de cela, ils auront tous des conseillers de niveau de formation supérieur et que donc il est quelque part gênant de diriger quelqu'un qui a un niveau de formation supérieur au vôtre, ont-ils insisté. Ces sénateurs ont en outre dit que même si la loi stipulerait qu'un mandataire politique n'est pas concerné par la qualification, il serait mieux que l'administrateur communal et le chef de zone soient de niveau supérieur ou égal à ceux de leur conseil. À propos, le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, Martin Ninerete, a répondu que les administrateurs communaux, les chefs de zone qui seront élus en 2025 auront un mandat politique qui n'est pas concernés par le niveau de formation tel que le stipule une loi en vigueur. Pour lui, leur exiger un niveau de formation et seul serait une façon de les discriminer. C'est ainsi qu'il invite alors ceux qui élaborent des listes bloquées lors des élections de mettre sur ces listes des gens qui sont capables d'occuper valablement les postes requis tels que celui de l'administrateur communal et du chef de zone. C'était ce mardi à Gitega lors d'une séance plénière des sénateurs d'analyse et d'adoption d'un projet de loi organique portant réorganisation de l'administration communale que les sénateurs ont adopté à l'unanimité. Depuis Gitega, Jehan Ibigira pour Radio Isanganiro. Merci Gérard. Certains agriculteurs de la province locale aussi se lamentent qu'ils n'ont pas encore eu ou vendre leur récolte de maïs. Malgré la campagne de collecte de graines de maïs lancée par le gouvernement, ils craignent que leur récolte soit détériorée. Les responsables de la direction provinciale de l'agriculture à Kaloussi expliquent que les stocks se sont remplis suite à l'abondance des récoltes et ajoutent qu'ils sont en train de les désengorger pour se préparer à une nouvelle collecte. Ils indiquent aussi qu'ils attendent que le niveau central puisse fixer un autre rendez-vous pour la collecte de ces graines après presque un mois de suspension des activités. Blaise Kalaloumiye depuis Kaloussi. Certains des agriculteurs de la province Kaloussi disent avoir manqué complètement ou vendre les récoltes de graines de maïs sec, et cela malgré la campagne de récolte de ce maïs, une campagne organisée par le gouvernement à travers la NAGESA. Au moment où, dans la province Kaloussi, les autorités signalent que les récoltes de maïs sont abondantes, c'est cela qui aurait entraîné que les stocks ont été remplis très rapidement. Cependant, certains de ces agriculteurs signalent que certains commerçants se sont aussi mis parvenus à collecter les récoltes parmi les agriculteurs à des prix inférieurs à celui de 1700 francs qui est fixé par le gouvernement et que ces mêmes commerçants se sont précipités les premiers pour aller vendre à la NAGESA ces récoltes. Le responsable de la direction provinciale d'agriculture et élevage et environnement dans la province et le responsable de ces collectes de graines de maïs confirment que les stocks ont été remplis et disent qu'actuellement ils sont à l'activité de désengorger ces stocks. Ils indiquent qu'ils attendent qu'au niveau central on puisse fixer un autre rendez-vous de collecte de ces graines de maïs secs et de là ils pourront encore acheter ce maïs. Pour les agriculteurs qui avaient vendu les récoltes à crédit, ils indiquent qu'ils ont été payés jusqu'au début du mois passé. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Et en province Somngaro, lancement officiel ce mardi au chef-lieu de cette province du projet d'appui aux filets sociaux productifs et emploi Cash for Jobs, Melangaba dit deuxième phase. Plus de 200 ménages de tout le pays ayant des moyens limités vont bénéficier des fonds de la part de ce projet sur un don de la Banque mondiale, selon la représentante de la dite banque au Burundi. Le président de la République du Burundi qui avait pris part à ces cérémonies a demandé aux bénéficiaires de ce capital de base de ne pas le gaspiller. Laurent Dikoulio. Cette deuxième phase du projet Melangabandi, qui sera exécutée dans toutes les communes du pays, a une valeur de plus de 450 milliards de francs burundais, un don de la Banque mondiale, selon la représentante de la Banque mondiale au Burundi. Elle indique que 200 000 ménages de tout le pays, c'est-à-dire environ 1 million de personnes aux moyens limités, vont bénéficier de ce capital de base pour améliorer leur situation socio-économique. Elle précise que les fonds qui sont donnés à ces personnes par le transfert monétaire dans des téléphones qu'elles ont reçus constituent un capital de démarrage et visent à les tirer de la pauvreté. La représentante de la Banque mondiale au Burundi a indiqué qu'au cours de la phase pilote qui a eu lieu dans quatre provinces du pays, à savoir Kirundo, Gitega, Karuzi et Ruyigi, pour 56 000 ménages, certains bénéficiaires avaient pu initier des activités génératrices de revenus. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, a demandé aux personnes qui vont bénéficier de ce capital de ne pas le gaspiller ou le prendre comme un salaire qu'ils recevront mensuellement. Il leur a signifié que celui qui n'aura pas utilisé correctement les fonds donnés sera retiré du projet. Aux encadreurs de ce projet, le chef de l'État leur a demandé de servir d'exemple aux responsables administratifs au niveau provincial et communal. Le chef de l'État burundais leur a conseillé de suivre de près les bénéficiaires de ces fonds pour qu'ils génère des bénéfices. De moi, Laurent Dikoulio, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous l'avais dit dans les titres, adoption à l'unanimité par l'Assemblée nationale ce mardi du projet de loi régissant la presse au Burundi. Entre autres points retenus, un journaliste qui a commis des délais de presse ne sera pas emprisonné, mais paiera plutôt une amende allant de 500 000 à 1 500 000. À 1 500 000 francs burundais. Lors de l'analyse de ce projet de loi, les députés ont soulevé leurs inquiétudes par rapport à trois lois pouvant faire objet de référence pour sanctionner le journaliste. Les députés sont également revenus sur le fonds d'appui aux médias. Mireille Kanyangé nous rapporte plus. Lors de l'analyse de ce projet de loi régissant la presse au Burundi ce mardi, des députés ont soulevé leurs inquiétudes par rapport aux lois pouvant servir de référence aux juges pour sanctionner un journaliste ayant commis des délits de presse. Ces lois dont ils évoquent sont le code électoral, la loi sur la cybercriminalité et la loi régissant la presse. C'est notamment le député Guikeke Pascal, épaulé par le député Mutezinka Euphrasi, tous s'interrogent sur la loi qui sera appliquée. Quant au député Gaston Sindimo, il apprécie que ce soit les amendes qui seront désormais payées au lieu d'emprisonner des journalistes, mais son inquiétude réside sur l'infraction qu'on colle souvent aux gens d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il demande si cette infraction ne sera plus évoquée. « En réponse sur le conflit des trois lois, le député Léopold apporte des éclaircissements. Une loi spéciale déroge celle générale et une nouvelle loi déroge l'ancienne, a-t-il précisé. Lors de cette analyse, le président de l'Assemblée nationale et d'autres députés ont voulu que les amendes aillent de 1 à 2 millions. Mais d'autres non. Le ministre de la Communication, Léo Kadinda Chaïsaba, a réaffirmé ce qui a été convenu en Conseil des ministres. Après amendement, ce projet de loi régissant la presse au Burundi a été adopté à l'unanimité. Mireille Kanyangé, comparution ce mardi de deux militaires accusés d'avoir assassiné un motard au mois de février de cette année sur la colline d'Ago de la commune Songa en province Bururi devant les juges de l'auditorat militaire au tribunal de grande instance de cette province. Au cours de cette audience, l'officier du ministère public les accusait d'avoir commis cette infraction avec par préméditation comme ils l'avaient eux-mêmes avoué selon cet officier du ministère public, ce qui a été rejeté par les accusés qui ont demandé à ce tribunal d'attendre leurs témoins des charges. Ces derniers, de même que la famille de la victime, quant à eux, s'inquiètent de la lenteur dans le traitement de ce dossier et demandent qu'il soit traité dans les plus brefs délais. Zeno Nzambiman. Au cours de cette audience publique que l'auditorat militaire a tenu ce mardi dans la salle du tribunal de grande instance de Bururi, un officier du ministère public accusait deux militaires d'Oran qui travaillaient à l'école des sous-officiers de Bururi d'avoir préparé à Bujumbura, où ils étaient tous de garde malades, d'un militaire, l'assassinat d'un motard, une infraction qui a été commise la nuit du 20 février de cette année sur la colline d'Ago de la commune Songa, province de Bururi, comme le témoigne la population de la localité de Kalimbi, en commune et province de Bururi, qui les ont empêchés quand ils tentaient de voler la moto de la victime, selon le même magistrat qui ajoutait que les accusés l'ont eux-mêmes avoué pendant les enquêtes préliminaires. Prenant la parole, tous ces deux militaires ont rejeté toutes ces accusations et s'est exprimé en disant qu'il était chez le gentil où il gardait un malade des militaires et a cité deux personnes dont un veilleur et un autre militaire qui pourront le témoigner en cas de besoin. Un autre s'est exprimé en disant qu'il était en congé lui accordé verbalement par son chef hiérarchique. Vous saurez que ces deux militaires ont été dénoncés par la population de la colline de la localité de Kalimbi en commune province de Bururi, dont un qui a été identifié et dénoncé le jour même du forfait, comme ils l'ont témoigné pendant cette audience publique de ce mardi. Les magistrats de l'auditorat militaire qui siégeait ont dû attendre les témoins à décharge de ces deux militaires, comme ils l'ont souhaité. La famille de la victime, de même que les témoins à décharge, se disent inquiets de la lenteur déjà observée dans le traitement de ce dossier et demandent qu'il soit traité dans les plus brefs délais. Selon le président du siège, la deuxième audience publique est prévue prochainement pour attendre les témoins de ces deux militaires car ils en ont le droit. Depuis Bururi, Zenon Zavimana pour la radio Isanganiro. Page sécurité pour boucler cette édition. En bref, un conducteur de taxi vélo a été retrouvé étranglé le matin de ce mardi sur la transversale de la colline Kaburanwa, commune Buganda de la province Chibitoke. Le chef de colline confirme les faits et fait savoir que le défunt était un transporteur des marchandises à bord de son vélo. Fidel Nikalahela ajoute que la victime a été lâchement tuée à l'aide du couteau. Pour le moment, la police dit avoir entamé des enquêtes pour arrêter les auteurs et faire connaître les mobiles à l'origine de ce meurtre. Entre-temps, les voisins et la famille de la victime demandent d'accélérer les enquêtes pour que les auteurs soient sévèrement punis conformément à la loi. Et voilà, c'est par ici que nous bouclons cette édition. Merci pour votre réattentive fidèle. Eric Wiman a assuré la mise en onde. À la présentation, vous étiez avec Doré Bingabilé. Bonne suite de nos programmes.